Merci de choisir la radio Sanganilo pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La montée des eaux du lac Tanganyika a envahi une grande partie côté port de Bujumbura et ses environs. Des travaux de protection effectués par l'agence routière du Burundi sont en cours. Le spécialiste en environnement Bernard Sindayebura trouve néanmoins qu'ils n'ont pas commencé par les zones les plus touchées. Et l'association des consommateurs du Burundi à Buko salue le retrait du marché des produits périmés et non certifiés lancé par le Bureau burundais de normalisation BBN. Le président de cette association trouve qu'ils sont nuisibles à la santé et appelle les consommateurs burundais à dénoncer les commerçants qui vendent des produits qui ne remplissent pas les normes. Et le Burundi ne dispose que de 100 MW d'électricité sur 1000 nécessaires pour un Burundi développé. Propos du directeur général de la Régie des eaux qui appelle les opérateurs privés à investir dans le secteur de production de l'électricité. Voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabilé. Séraphine Rakizumana assure la mise en onde. Bienvenue encore. La montée des eaux du lac Tanganyika envahit une grande partie du service d'immatriculation des véhicules à l'Office burundais des recettes, un service aujourd'hui délocalisé sur le boulevard du Japon. Des travaux de protection de ce boulevard sont en cours de réalisation tronçant Safi Beach jusque sur des infrastructures de la régie des eaux abritant des pompes, selon Donatien Manilakiza, ingénieur qui suit de près ces travaux effectués par l'agence routière du Burundi. Mireille Kanyangi a été sur place. Voici son reportage. Arrivé à l'hôtel-restaurant Tanganyika Lake View, l'on voit du côté du lac de grosses pierres, les unes ayant été déposées l'année passée pour barrer l'avancée des eaux de ce lac. L'on voit aussi de nouvelles pierres extraites au niveau de la rivière Kilasa, a-t-on appris sur place, fixant le regard vers le port de Bujumbura. L'on voit des engins de l'agence routière du Burundi ARB, des employés en gilet de cette agence en train de soulever des pierres. Nous avons par après approché l'ingénieur qui suit de près ces travaux. Donatien Hakizimana nous a indiqué que le tronçon port jusque là où sont installées les pompes d'eau de la régie des eaux fait objet de ces travaux. Jusqu'aujourd'hui, on érige des gabions sur 15 mètres afin que les eaux du lac ne continuent pas à se déverser dans la rue lorsqu'il y a de fortes vagues. Tout près, il y a une machine à moteur qui pompe de l'eau de la route vers le lac. Plus loin du côté de la plage Safi Beach, les eaux du lac sont encore visibles et l'avenue de la plage a été fermée. Arrivé au port de Bujumbura, côté gauche, au service immatriculation des véhicules, les entrées des hangars numéro 6, 7 et 8 sont inoccupées. Les eaux du lac les a envahies, les poussant ainsi au déménagement vers Emmaüs, selon un communiqué de l'Office burundais des recettes de ce mercredi. Merci Mireille Kanyangé. Le professeur d'université Bernard Sindayebura, spécialiste en environnement, lance un cri d'alarme. Il faut des mesures urgentes pour sauver ce port. Il salue cependant ses travaux que fait actuellement l'agence routière du Burundi, même si, trouve-t-il, ils n'ont pas commencé par les zones fortement touchées. La situation normale est de 775 mètres. Donc actuellement, à partir des mesures que j'ai pu réaliser avant-hier, le lac se trouvait à une altitude égale à 776,76. Ça signifie qu'il ne restait que 24 cm pour que le port de Bujumbura côté ouest soit inondé totalement. Mais il y a une semaine, mais on ne le savait pas. Donc avant, on disait que c'était l'eau qui coulait en provenance de Rogar. Mais hier, c'est là où on m'a téléphoné et je suis allé sur le terrain. On a vu que maintenant l'eau est entrée du côté sud. Et c'est pour cela qu'une grande partie du port de Bujumbura est sous l'eau. Je pense qu'il faut maintenant prendre des mesures urgentes pour sauver aussi actuellement le port de Bujumbura. Les travaux qui sont en train d'être élaborés par les ingénieurs de l'ARB, c'est vraiment une très bonne chose. Ils vont soulager des populations riveraines d'Irak pour cette partie. Mais je pense quand même, avant de choisir les zones qu'ils ont protégées, il aurait fallu effectivement contacter tout d'abord les institutions les plus affectées. Donc, du côté ouest, il nous reste, comme je vous l'avais dit, 24 cm pour que le port soit inondé. Donc, il faut très rapidement le rehausser son mur, donc pour le protéger. Et un autre élément, au niveau des services de la marine, là où le bateau donc s'accostait, maintenant est submergé. Donc actuellement, les bateaux pouvaient couler parce qu'on ne peut pas les attacher, donc c'est OK. Et il y avait aussi également aussi les arrangements, c'est-à-dire donc sous forme de digues qu'on avait mis pour arrêter donc l'eau. Actuellement, c'est sous l'eau aussi également. Et cela vraiment gêne, vraiment le service de la marine devrait être secouru très rapidement pour essayer de protéger non seulement le bâtiment de la marine et aussi également protéger aussi ces bateaux qui coûtent énormément beaucoup d'argent. Un autre élément qui est très sensible où il faut vraiment agir vite, mais heureusement le directeur de la Régie des Eaux a déjà mis en place une équipe pour essayer de protéger la station de pompage. Imaginez-vous, la station de pompage qui donc alimente la ville de Bujumbura a une hauteur de 82%. Imaginez si cette station directement aurait été détruite, qu'est-ce qui allait se passer? En général, le gouvernement du Burundi devrait réunir les partenaires au développement, aller montrer l'état des lieux et puis aussi en proposant les mesures urgentes à mettre en place. L'association des consommateurs du Burundi à Buko salue le retrait du marché des produits périmés et non certifiés après le lancement de la campagne de retrait de ces produits effectuée par le Bureau burundais de normalisation BBN ce mercredi. Pierre Ndouaye, président de la Buko, appelle les consommateurs burundais à dénoncer les commerçants qui vendent des produits qui ne remplissent pas les normes. Il demande aussi au gouvernement d'accorder les moyens nécessaires à cet organe pour éradiquer cette pratique de vendre de tels produits. Suivez-le. Au niveau de la Buko, nous apprécions énormément cette campagne qui vient d'être entreprise par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, parce que c'est une situation qui va permettre à ce qu'il y ait une commercialisation des produits qui remplissent les normes. Les commerçants devraient faire leur cette campagne parce qu'un vrai commerçant doit commercialiser des produits de qualité, que ce soit les produits vivriers, que ce soit d'autres produits justement qui interviennent dans la vie de tous les jours. Et donc les commerçants qui sont dans ce domaine devraient apprécier positivement l'action entreprise par le BBN et essayer même de dénoncer les confrères qui s'adonnent à des activités sans que les normes soient remplies. Nous en appelons aussi à la population, aux consommateurs, de dénoncer justement les commerçants autour d'eux qui commercialisent des produits de qualité inférieure, mais aussi des produits qui sont périmés, de les dénoncer auprès de la Buko ou auprès du BBN directement pour justement aider à ce que cette institution puisse continuer de façon visible la mission qui a été lancée il n'y a pas longtemps. Et nous en appelons aussi au pouvoir public de soutenir justement ce Bureau burundais de normalisation parce que c'est le garant de la qualité des produits qui sont commercialisés, notamment à lui dotant des moyens matériels, à lui dotant des moyens humains pour remplir correctement sa mission. Nous en appelons aussi aux partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le domaine commercial et de soutenir aussi ce Bureau burundais de normalisation, mais nous savons qu'il y a des embûches qui sont devant et nous encourageons ce Bureau burundais de normalisation et nous apprécions même positivement le pas franchi ces derniers temps et il faudrait qu'il continue dans ce sens. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, en bref, il est interdit à la Société Générale d'Assurance et de Réassurance GR de souscrire et de renouveler des contrats d'assurance depuis ce mercredi. Selon un communiqué sorti ce même jour, l'Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances, ARCA, explique que cette société n'a pas pu exécuter les différentes mesures de redressement dans les délais prévus et présente une situation financière compromettant les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Le public est invité à s'adresser à l'ARCA pour toute information supplémentaire concernant cette mesure. Le Burundi développé aura besoin de 1000 MW d'électricité. Propos du directeur général de la Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité du Burundi, Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, explique qu'actuellement, le pays ne dispose que de 1100 MW seulement. Il appelle les opérateurs privés à investir dans le secteur de production et de l'électricité. Suivez-le. Selon notre vision, pour avoir un pays développé, on aura besoin de 1000 MW. C'est par cette augmentation de l'électricité que les investisseurs viendront implanter leurs industries au Burundi. Après les travaux de construction des barrages de Rusumo et Kabusezi, on aura trouvé solution au problème d'électricité. À l'heure actuelle, nous disposons d'une quantité de 100 MW d'électricité. Je profite de cette occasion pour inviter les investisseurs et la population à penser à travailler même pendant la nuit, parce que nous perdons normalement s'ils consomment l'électricité pendant la journée. Des opérateurs privés dans le secteur de la production de l'électricité sont les bienvenus. Par ailleurs, ce sont les investisseurs comme le cas de Songa dont il parle qui est en train de tirer des jambes. Le gouvernement du Burundi a déjà ouvert ses portes à ces derniers et certains disposent même des contrats déjà signés. Peut-être que les moyens financiers leur font défaut. Prenons l'exemple de Mubuga où nous avons la société privée appelée Megawatt qui a déjà mis en place un parc des plaques solaires qui nous donne actuellement 7,5 MW en cas de disponibilité du soleil. Même si la construction d'un barrage exige de montants importants, les opérateurs qui le souhaitent sont les bienvenus dans ce secteur. Page sportive à présent, les infrastructures sportives du campus universitaire de Kilili sont vétustes et nécessitent d'être réhabilitées tandis que le matériel est à remplacer selon le doyen de l'Institut d'éducation physique et des sports IEPS. Professeur Adrien Gaïmbécha l'a dit ce jeudi lors des festivités autour des 50 ans de l'IEPS. À la même occasion, l'ambassade de France a organisé des activités sportives autour du campus Kilili et dans les collines environnantes pour célébrer le relais autour du monde. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris du 28 juillet au 11 août de l'année en cours. Le point avec Évariste Ndikobanyanga. Cet institut de l'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi a commencé en 1974. Pinya Ngundiye, un des 5 premiers lauréats sexagénaires aujourd'hui, salue le fait que cet institut continue à former des sportifs. L'éducation physique et sportive contribue justement à cette solidité, à cette mise en forme des citoyens. Ça me va encore plus droit au cœur et ça me donne une fierté extraordinaire. Donc, je souhaite que cette activité, les activités prévues pour cette année, y compris les Jeux Olympiques de Paris, tout cela motive et motive encore la jeunesse burundaise, les professeurs, les enseignants d'éducation physique et sportive à redoubler d'efforts. Cet ancien de l'IEPS déplore cependant la vétusté des infrastructures de l'Université du Burundi abritant cet institut et demande qu'il soit réhabilité. Je vois que les bâtiments commencent à avoir un certain âge, sinon un âge certain. Mais ils tiennent debout. Je crois qu'une réflexion serait très utile pour que la jeunesse qui apprend aujourd'hui dans ces bâtiments, effectivement, soit rassurée pour que la jeunesse burundaise y soit formée. Le doyen de l'IEPS à l'Université du Burundi explique que la formation pédagogique se déroule normalement. Cela étant, professeur Adrien Gaïmbécha déplore lui aussi la vétusté de ses infrastructures, mais qu'ils essaient de réhabiliter quelques-unes, mais que là où ce n'est pas possible, l'ont fait recours aux partenaires. Si vous regardez à côté de vous, les infrastructures sportives, même administratives, sont en état de délabrement total. Eh bien, nous toquons ici et là, à gauche, à droite, pour pouvoir réparer ce qui peut l'être. Et ce que nous ne pouvons pas réparer directement, nous contactons les partenaires pour que demain ou après-demain, nous puissions réparer ce qui peut l'être. Les festivités autour de 50 ans de l'IEPS et à 60 ans de l'Université du Burundi ont coïncidé avec les activités sportives organisées par l'ambassade de France au Burundi pour célébrer le relais autour du monde dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août, puis Paralympiques du 28 août au 8 septembre de l'année en cours. La France, à travers son ambassade au Burundi, annonce qu'à travers le projet d'émergence et de promotion du sport PPS, elle compte contribuer au renforcement de la présence des athlètes burundais dans les compétitions sportives internationales à l'horizon de 2026. Évariste Nzikobanyanga. Sport toujours, le club burundais de basketball Dynamo est arrivé à Bujumbura l'après-midi de ce jeudi. C'est après la part de sa participation dans la compétition de la Basketball Africa League comptant pour la saison 2024. Une décision prise par le président de la Basketball Africa League mardi de cette semaine après que ce club ait été déclaré deux fois forfait pour avoir refusé de porter les maillots portant le logo du sponsor officiel de cette compétition, Visit Rwanda. Lors de son dernier match samedi de la semaine écoulée, Dynamo s'était imposé à Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud sur le score de 86-73. Et c'est par là que ce journal s'achève. Merci de nous avoir prêté oreille. Séraphine Akizima a assuré la mise en onde à la présentation d'Auré Bingabilé. Bonne suite de nos programmes.